Leçon 3, page 49. Est-ce que tu veux bien m'expliquer quel métier tu as choisi et pourquoi ? Je recherchais un métier qui corresponde à ce que j'aimais, la voix et le langage. Je voulais aussi faire un métier intellectuel, utiliser mes connaissances et avoir une gymnastique de l'esprit. Le métier d'orthophoniste s'est donc imposé. Je trouve que cette profession offre une grande mobilité. On peut vendre son cabinet à tout moment et racheter une clientèle ailleurs. On trouvera partout du travail. C'est un métier qui permet d'être libre puisqu'on ne subit pas la hiérarchie. Peux-tu préciser ce que tu aimes plus particulièrement dans ce métier ? J'aime être en contact avec les gens et les aider à développer leur capacité de communication. Si c'est possible, j'aimerais exercer ce métier en centre de rééducation ou en hôpital pour travailler en équipe avec des adultes, des accidentés par exemple, des cas plus particuliers. Et puis, le fait de choisir un métier en relation avec la voix, le chant, me permet de faire un lien avec mon art. Parle-moi de tes activités favorites. Qu'est-ce qu'elles t'apportent ? Depuis que j'ai 11 ans, je fais du piano et je chante dans une chorale. Cela m'a permis de faire beaucoup de voyages et de rencontrer beaucoup de monde. Quand je chante, c'est un moment de répit, c'est relaxant. Mon autre activité favorite est le chat. Je passe du temps à discuter avec des gens sur Internet. Je rencontre des personnes différentes de moi, loin de ma petite vie d'étudiante. Grâce à eux, j'apprends énormément sur d'autres façons de vivre. J'utilise aussi les mails pour analyser ma vie en l'écrivant en noir sur blanc le plus explicitement possible. Quelle a été ton expérience professionnelle la plus enrichissante jusqu'ici ? C'est le travail que j'ai effectué à l'ACEDIC comme agent administratif et d'accueil. J'ai été en face de personnes très différentes, souvent en difficulté. Et cela m'a fait comprendre que tout le monde n'a pas eu la chance d'acquérir la même culture que moi. J'ai compris qu'il est indispensable d'apprendre le plus de choses possible maintenant pour avoir un emploi et une vie correcte plus tard.